On m'a dit pose-toi les bonnes questions. On m'a dit derrière le meilleur se cache souvent le pire. Moi j'ai répondu hors de question. Elle est la seule qui dans le noir sait comment me faire rire. Faut parler sans savoir à qui je n'ai pas besoin de faux pas. J'ai banni chacun de vos amis. Quand j'aime, je vois plus les fautes. Elle m'appelle déjà mon mari. J'ai déjà payé la dot. Je sais que t'as peur du noir, chérie. J'suis là, c'est bon, repose-toi. Ouais, ils ont parlé de nous. Et a trop parlé de nous. Ils ont nourri le doute en moi. Je sais que c'est elle qui tient le couple. Je sais que c'est elle qui tient les rênes. C'est elle qui donne la. J'ai sa voix qui résonne en boucle. Elle dit souvent paye qui tu m'aimes et tu n'aimeras que moi. Je suis dépendant à elle, j'avoue, je mourrais pour qu'elle vive. Elle connaît toutes mes peurs, mes doutes, sans elle mon esprit s'enlève. Elle m'appelle déjà son doudou, j'ai déjà payé le prix. J'ai qu'elle a peur du noir, chérie, je suis là, c'est bon, repose-toi. T'avais promis, t'avais promis.